Yo, non pas de la porte, tu gâches ton jeu cap, les vibes, l'énergie, l'African, Brasil, high. Peu dans son livre et délivre la haine qui prise, les gosses d'amour, ils sont pas ivres, délivre, beaucoup finissent dans les civières. Tu vois les dires d'hier, j'ai vu le sang dans les rivières et c'est l'affaire d'âme. J'rappe à ça au polo, j'mouille mon polo vert d'âme. Nouveau morceau des gousses, ton mouton est négro, boite, boite, boite, boite, boite. Représente les favelas sous son amour, sous corazón, son cœur qui résonne, boum boum son. Toute ma force pour prouver les droits, je marche, j'abandonne pas, je mène toujours le même combat. Yo. Assassin, Africa, Brasil, esprit en accord. Guerrier universel face à l'horreur du système. Racine stable, un arbre pousse en chacune de nos graines. Qu'il en bosse, voici, héritage zombie. Énergie des tribus, du passé qu'on oublie. On nous déracine, mais la culture de l'aura reste présente. Même sous l'équateur, un mic en main, je représente. La police a échoué, mon esprit celui des favelas. T'inquiète, on sait où on se plaint, j'ai vu les yeux des mômes sans godasse. Face contre terre, j'embrasse ma mère, et que l'univers est sur mes vers et sur ma grammaire. Homme face au vent et aux rayons solaires, n'est plus de couleur, plus d'origine que la lumière. Olha nós aqui, da briga assassina. É proibido proibir. Palestrada fortificada, difícil destruir. Diante da verdade, a coragem, Deus é mais. O que importa é a liberdade da paz. Vou atrás, o respeito, respectivamente, impressiona. Quilombo, Congo, periferia, Brasil, França. O que se passa, o que se passa? Somos frutos de uma raça libertária. O que se passa? Fogo nas seis alas. A força do tambor, do atabaque, do agogô. Nem cativeiro de ioiô suportou o redentor. Ganga zumba, zumba. Ganga zona, zona. Mestre Acaiúva, mocambeiro da luta e da honra. Saturnalha negra, abrindo marco na história. Zumbi do leão, Judá com cavalo, a Troia. Conduzindo a trajetória, glória contra a história. Contra a ralé, escravocrata. Dispara a bala, Ogum, o deus da caça. Nas trincheiras, nas congadas, nas grandes batalhas. Fusão, terror, grito da mata. Zumbi, deus da raça. Plantei, cantei cultura de zumbi. Falei pra provoquer Matisse. Guerriei pra defender nossa raiz. Puisque maintenant je le sais, ils ne pourront plus m'enlever.